auditeurs de Radio Guémozo, comment vas-tu en ce début de semaine? On est lundi 30 novembre et je suis en direct avec toi durant une bonne heure parce que je crois qu'on va un peu dépasser dans cette nouvelle de micro ouvert. Émission spécialement consacrée aujourd'hui aux producteurs commerçants présents aux Halles volontaires de Remiremont. Et oui, en partenariat avec la Chambre de l'Agriculture, je suis allée rendre visite à tout ce petit monde, à nos producteurs locaux présents aux Halles volontaires. C'était mardi dernier. Vous les entendrez au fil de cette émission et vous retrouverez toutes les interviews de façon individuelle également dans la matinale de Marion. Et j'ai adoré rencontrer Estelle, Aline, Bruno, Alain, Céline, Gilbert, Nadia, Marianne et David. Même si j'ai eu très froid, ils ont su me réchauffer le cœur avec leur sympathie et je les remercie beaucoup pour ça, ainsi que Romain et Aurélie de la Chambre d'Agriculture pour leur accompagnement. Alors, je te plante un bout du décor. Créé en 1882, eh bien, le marché couvert de Remiremont avait pourtant fermé ses portes il y a près de 25 ans pour devenir un centre polyvalent d'animation. L'ancien espace du volontaire a donc retrouvé sa vocation initiale de halle marchande après trois mois de travaux de réaménagement situés à l'intersection des rues Charles de Gaulle et de la Xavier. Pour ceux qui ne connaissent pas, les halles sont ouvertes maintenant du mardi au samedi et ça fait bien plaisir. Mais avant ce marathon au pays des bonnes choses, tu commences à me connaître, hein, auditeur, je vais te sortir mes petits sons sortis tout droit de mon grand chapeau. Bah oui, il en faut de la place pour tous les sons que j'ai à stocker à l'intérieur. Je me suis vraiment fait plaisir à l'écoute ce week-end. Et bien entendu, j'espère que ça te plaira. Alors, qu'est-ce que je vais te sortir aujourd'hui? Pas besoin d'hésiter trop longtemps. Un gros, gros coup de cœur. Going Home de Asger. En plus de ses yeux d'une beauté incroyable, sa voix est juste sublime. Et cette partie de piano, moi personnellement, ça me fait penser à Guillaume Poncelet, pianiste que j'adore véritablement. Je te laisse écouter tout ça et je te dis à tout de suite. My La fin un peu tragique, je trouve, cette petite chute-là. J'espère que tu vas bien, auditeur de Radio Guémozo. Je te souhaite bon appétit. Tu es peut-être à table. En tout cas, moi, je suis super ravie d'être là avec toi. J'espère que tu as kiffé ce son et qu'il t'a autant transporté que moi. Aujourd'hui, on voyage ensemble sur les ondes de Radio Guémozo. Alors, tu le sais, auditeur, cette émission micro ouvert, je l'ai inventée pour donner la parole aux producteurs, commerçants et acteurs culturels locaux avant tout, même si grâce à tout ça, il est né de très très nombreuses idées dans ma tête. Un gros concept va être proposé très prochainement, mais pas de panique, hein. Tu seras le premier au courant, auditeur, bien entendu. Pour en revenir à mes boutons, ça y est, il fallait que j'en fasse une, pour en revenir à mes moutons, avec l'aide de la Chambre de l'Agriculture, j'ai eu la chance de rencontrer ces producteurs dont je te parlais au début de cette émission, au Hall des Volontaires de Remiremont, et c'est le moment où l'on part à la rencontre de Nadia, alors qu'il y a une activité tout à fait étonnante. Elle a une ferme au bison à Bleurville. C'est très très original et tu vas voir ce qu'elle fait de tout ça. Nadia et son mari Thierry sont des passionnés et des amoureux de leur bête depuis de nombreuses années. On écoute ça, auditeur ? Alors, je suis avec Nadia de la ferme au bison située à Bleurville. Alors, Nadia, qu'est-ce que vous proposez sur ce marché couvert Les Volontaires ? Alors ici, sur le marché, je propose de la charcuterie 100% bison, donc du saucisson, des terrines, et sur commande de la viande de bison qui sera livrée là prochainement et jusqu'avant Noël. Alors c'est original ça, de vendre de la viande de bison, ça fait combien de temps que vous faites ça ? Alors j'élève des bisons depuis 17 ans maintenant. Ah oui ? Oui, oui, dans la Vosges, à Bleurville. Et ils se plaisent les bisons dans les Vosges ? Ah bah oui, ça fait 17 ans, ils se reproduisent, on a eu des petits dès la première année, donc ça c'est le signe d'une bonne acclimatation. Oh, c'est super, en tout cas c'est super original. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre stand ? Donc vous disiez de la viande 100% bison, mais je vois d'autres choses. Oui, il y a des savons à l'huile de bison. Et il y a des vertus pour ce savon ? Ah oui, ils sont très très doux. Ouais. Ça adoucit la peau, ça aide pour les sécheresses. C'est le bon moment, d'ailleurs, il fait froid, là. C'est ça. Et puis, avec le port du masque, nos peaux sont mis à rude épreuve. Alors, on peut vous retrouver à quel moment sur ce marché couvert, les volontaires ? Alors, moi, je suis ici les mardis matins, donc de 8h30 à 13h. Et sinon, eh bien, on me trouve chez moi à Viomenil. Alors, est-ce qu'on a une adresse, quelque chose pour vous retrouver ? Je n'ai pas de site internet, mais on peut m'envoyer un mail sur lafermeaubison@gmail.com. Et puis, on nous trouve à Viomenil relativement facilement. Alors, est-ce que donc vous élevez des bisons ? Est-ce que toute la transformation se fait chez vous ou vous passez par quelqu'un ? Non. Alors, il s'agit d'un petit élevage. Nous avons une vingtaine de têtes de bison. Par contre, nous faisons faire notre charcuterie par un charcutier professionnel. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de ce deuxième confinement ? Est-ce que pour vous, ça a changé les choses dans votre activité ? Alors, pas vraiment, parce que nous sommes depuis le début, on est en vente directe avec les particuliers. On travaille beaucoup sur commande. Alors, il y a eu des marchés, évidemment, qui ont été supprimés. Heureusement, les marchés d'été avec Vosges Terroir ont pu avoir lieu, donc on a quand même pu avoir le contact qu'on avait avec nos clients. Certes, certains marchés et salons ont été supprimés, mais bon, du coup, nous sommes allés vers les clients et puis il y a d'autres choses qui sont mises en place. On devient plus créatif. Une association il y a 3 ans qui s'appelle les Bio du Coin. Ah oui. Donc ce sont uniquement des producteurs bio et locaux. Donc autour de nous, moi j'habite à Viomenil, il y a des gens de Viomenil, de Relange, enfin les alentours. Et on a des points de dépôt, on a une vingtaine de points de dépôt où les gens alors passent commande directement sur le site de cagette.net en mettant les bio du coin par exemple. Et ils passent leur commande, donc ça peut être des œufs, du pain, de la viande, de bison ou de broutard ou de la charcuterie, ou farine, fromage. Ils seront livrés au point de dépôt qu'ils ont choisi et il y aura un seul paiement. C'est-à-dire que ils m'ont pas payé et le fromager et le charcutier. Ils feront un seul paiement, quoi. Et il y a aucune obligation d'achat. C'est-à-dire que si une semaine, le client veut pas commander, il commande pas. Ouais. Et s'il ne veut commander qu'un produit, il peut le faire. Ah, c'est génial. Et ça, c'est vraiment, et c'est directement, c'est du producteur au consommateur. Sauf qu'on est juste, une dizaine de producteurs bio et locaux, à s'être regroupés, quoi. C'est chouette, ça. On a eu le nez bien avant le confinement. Ouais. Et du coup, on peut continuer effectivement à même pendant le confinement, on peut continuer à livrer nos dépôts et à vendre nos produits sans aucun intermédiaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux clients? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Il faut qu'ils se bougent pour venir. On dit aux clients qu'il y a des producteurs qui sont là pour eux, qui produisent de façon écologique, avec des prix qui sont aussi abordables au plus grand nombre. En tout cas, en ce qui nous concerne, on a essayé de démocratiser le produit pour que ce soit vraiment accessible. On peut trouver de tout sans aller en grande surface. On peut trouver de la viande, on peut trouver des laitages, on peut trouver du pain. Il y a vraiment des producteurs qui aiment leur métier et qui sont là pour au service des gens. Voilà, auditeur, tu as compris le message. On a une cliente avec vous, là. Voilà. Je suis Liane, Radio Guémozo. Bonjour. Du coup, je viens un petit peu voir les producteurs locaux là en ce moment. Et c'est bon la viande des bisons? Oui, c'était délicieux. Et puis c'était très bien cuisiné surtout. Ah. Ça a quoi comme goût? Ça a une particularité? C'est fort la viande des bisons? Non, ça n'est pas fort. Ça n'a rien à voir avec du gibier. Ouais. C'est plus fin que du bœuf. D'accord. C'est une viande qui est très tendre, riche en fer, riche en protéines, pauvre en graisse et sans cholestérol. Oh, c'est génial ça. Ouais, elle a que des avantages. Et en plus, nos animaux, nous, ils sont nourris que d'herbe et de foin. Ah oui. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Et chez nous, il n'y a pas de vaccination et pas d'antibiotiques. Donc, voilà. On peut consommer en toute sérénité. Ah oui. Voilà. Et comment on s'en occupe de bisons? Ça demande de... Moins on intervient, mieux ils se portent. Tout comme nos vaches. Nous, on n'intervient pas sur les élevages. On n'intervient pas pour la reproduction. Ah ouais. Encore moins pour les vélages. Tout est naturel. On laisse faire la nature. Elle fait plutôt les choses pas trop mal. Ah, c'est chouette. Oui. Et puis tout se récupère là. Je vois sur votre stand, vous nous en parliez juste avant là. On a la peau. On récupère la peau, on récupère les os. Je fais des étiquettes avec. On essaye de faire le moins de gâchis possible. Il y a pas de plastique. Les contenants pour la charcuterie, c'est du verre. Alors si je dis des bêtises, juste pour le saucisson, qu'on est obligé de mettre sous vide. Oui. Voilà. Mais c'est tout. On essaye de limiter au maximum le gâchis. Alors, si jamais on est curieux et qu'on a envie de voir vos bisons, c'est possible de venir vous voir une fois que tout ça sera remis en place. Oui. Les bisons sont. La particularité de mon élevage, c'est qu'il n'y a pas de bâtiment. Donc, nos animaux sont dehors tout le temps. Donc, vous pouvez aller les voir, oui. C'est chouette. Merci beaucoup, Nadia, pour avoir répondu à mes questions et plein de bonnes choses pour la suite. Merci Nadia. Si tu veux contacter Nadia, auditeur, eh bien, ça se passe par là, laferme@bison.com, au 06 19 65 85 21 ou encore au 03 29 30 95 69. Surtout, n'hésite pas. Allez, c'est mon moment kiff. Je te sors un nouveau son. Il s'agit de As We Enter de Damian Marley accompagné de Us. J'espère que ça va te plaire. Et voilà, je te dis à tout de suite, auditeur. As we enter, come never think of one of the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? QB Jamrock, the lyrical official. Send out the order, laws and the rituals. Burn candles, say prayers, paint murals. It is truth, we big news, we hood heroes. For us to anchor, we come to bunker. On a bad man, we not play Willy Wonka. And I got the nerd, I got the guitar. And we can blaze it up on your block if you wanna. Or haze it up, stash spots in a Hummer. Or you can run up and get done up. Or get something that you want none of. Unlimited amount to collect. They wreck from us, truth intellectuals. And I'm shrewd about decimals. And my man to speak patois. And I can speak rap star, y'all feel me. Even if it's in Swahili, a body Ghani. Missouri sana, switch up the language, I move to Ghana. Salute and honor, real revolution rhymers. Written piranhas, like two Obamas. Unfold the drum. Word is out, hysteria you heard about. Nas and Junior Khan came to turn it out. Body the verses till I scream murder out. The kings is back, time to return the crown. Who won it? your chain with due coming renegades that appeal your back like new hunters. Bet your jewels on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on it. On it. Prince to Kingston, touch not we use and govern the kingdom. Rise up the world. I can see the fear up in your eyes, realize you could die any instant. And I can hear the sound of your voice when you must lose your life like mice in the kitchen. Snitching, I can see him putting on himself and he wetting up his thighs and he trying to resist it. Switching, I can spend a digging up like a flag on my own and keep persisting. That's how you end up in a hit list. In a bad man business, no evidence. Rhymes and fingerprintless, flow effortless. Casual like the weekend, no pressure when we're comfy and decent. Set this all beast in, hunting season. And frankly speaking, word is out, hysteria you heard about. Nas and Junior Khan can't turn it out, body the verses till I scream murder out. The king's is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with dude coming. Renegades that appeal your back like new hunters. Bet your jewels on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on it. Word is out, hysteria you heard about. Nas and Junior Khan can't turn it out. Body the verses till I scream murder out. The king's is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with dude coming. Renegades that appeal your back like new hunters. Bet your jewels on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on. Pour te mettre la good vibes ici dans les studios de Radio Guémozo. J'espère que ça t'a plu ce son. Moi personnellement, ça me met une patate, mais alors vraiment d'enfer. Alors c'est le moment pour moi de te faire un petit point info. La situation actuelle ne permettant pas les différentes animations prévues en faveur du Téléthon à Saulsure, les bénévoles ont toutefois souhaité participer à cette cause qui tient à cœur à de nombreuses personnes. Une vente de sapins sera donc organisée par la Société des Fêtes le samedi 5 décembre. Donc c'est ce samedi de 8h30 à midi devant la salle polyvalente. De même, enthousiastes de participer à cette manifestation nationale, les élèves de la MFR proposeront à la vente des petits gâteaux sur le marché le mercredi 2 décembre. Et Monsieur Ruo vous permettra de gagner un panier garni à celui ou à celle qui parviendra à en deviner le poids. C'est plutôt original. Il sera également présent sur le parking du magasin Colruyt le samedi 5 décembre. Des points de collecte ainsi que des boîtes pour les piles usagées seront mises en place chez les commerçants. Pour toute information, vous pouvez joindre Monsieur Pierron 03 29 24 64 69. Avant de continuer sur les infos locales, eh bien on part à la rencontre des gourmandises d'Alain Didier, son stand de choses qui donne trop envie, et d'Aline des Jardins de Paulette situés au Girmont-Val d'Ajol. Je suis avec Alain Didier de l'entreprise des gourmandises pâtissiers traiteurs. Alors ça donne très très envie. Hein. Nous sommes à l'espace Les Volontaires de Remiremont. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, très bien, merci. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici dans votre stand plein de choses très appétissantes ? Oui, alors j'ai des choux au craquelin avec une crème vanille bourbon. J'ai de la pomme au four revisitée à ma manière. Ah. Et du pâté au poulet, poivron, paprika, plein de choses. C'est vous qui faites tout ça ? Oui, c'est moi qui fais mes produits entièrement de A à Z avec des bons produits, des produits locaux, des œufs et du lait de ferme. Ah, c'est chouette ça. Depuis combien de temps vous faites ça ? Depuis fin 2017, je me suis lancé. D'accord, ok. Est-ce que vous avez une spécialité ? Oui, alors c'est les choux au craquelin. Ouais. Donc c'est une crème vanille bourbon. C'est une recette que j'ai élaborée, que j'ai retravaillée, et c'est vraiment vraiment sympa. Ok, super. Combien de temps on met pour élaborer une nouvelle recette ? Ah. Alors la grande question. Tout dépend. Il y a des fois ça peut aller très très vite, et des fois ça peut être très long aussi. Il y a beaucoup d'essais, j'imagine, pour mettre au point une recette. Ça se fait pas du premier coup forcément. On fait goûter. Comment ça se passe ? Ah bah la famille est mise à contribution, à goûter les produits, à valider ou non, à rectifier, et puis on recommence, on essaye, on recommence, jusqu'à arriver quelque chose de parfait, enfin pour moi parfait. Ouais. Ou alors vous situez à Pouxeux, donc vous avez un magasin là-bas ? Alors je n'ai pas de magasin, j'ai un laboratoire de fabrication et je travaille sur commande. Ah. Alors le concept est assez particulier, les gens me commandent par téléphone ou viennent me voir directement à laboratoire, commandent et viennent rechercher leurs produits directement au laboratoire. Super, donc en plus si on a des envies particulières, genre anniversaire, des fêtes, pourquoi pas Noël, là c'est bientôt la période, on peut vous transmettre nos envies et vous occupez du reste. Tout à fait. pour Noël, j'ai une super gamme de bûches. Assez original en parfum et surtout très belle et surtout très très bonne quoi. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme parfum par exemple? Est-ce qu'on peut avoir quelques secrets? Il y a ma bûche pomme ou donc sur le thème de la pomme au four mais revisitée en bûche. Ah, c'est chouette ça. Ouais. C'est ça, vous vient d'où toutes ces idées? De loin, de très très loin. Alors vous disiez que vous travaillez avec des produits beurre, œufs, lait de ferme, etc. Est-ce que vous procurez tous ces produits de façon locale? Est-ce que vous travaillez avec des producteurs aussi qui sont dans nos coins? Oui, bah tout à fait. En fait, les produits viennent de la ferme de mes parents qui était repris par mon frère. Ah oui. Et je vais chercher mon lait et mes œufs chez lui. Ah, oh, c'est génial. Ouais, ouais. Alors, on a parlé du sucré. Est-ce qu'il y a aussi du salé? Alors oui, effectivement. Donc j'ai du pâté lorrain avec pâté lorrain assez classique, mais avec une très très bonne recette de marinade. J'ai un super boucher qui me fait de la super viande. J'ai des tourtes. J'ai des tartes aux légumes du soleil. J'ai plein de choses intéressantes. C'est chouette. Ici, on est les volontaires. Alors, il y a tout ce qu'il faut, auditeur, pour que tu trouves ton bonheur pour Noël. Hein. Et ici, eh bien, ça se passera pour la bûche. Est-ce qu'on propose quelque chose de salé aussi pour Noël? Oui, je m'occupe aussi de l'apéritif, donc des feuilletés salés en petits plateaux, alors de 6 à 10 personnes, 12 personnes. Ah, c'est chouette. On vous retrouve à quel moment ici à l'espace Les Volontaires? Donc, je suis là tous les mardis matin. Et bon, pendant le confinement, je viens aussi les vendredis. D'accord, ok. Si jamais on veut vous contacter en dehors, ça se passe comment? On cherche des gourmandises à Pouxeux? Oui, sur internet, j'ai mon site internet d-gourmandises.fr. J'ai mon numéro de téléphone aussi, et puis on passe directement au laboratoire ou on vient me voir au marché couvert. C'est génial. Est-ce que parfois vous ouvrez votre laboratoire au public pour qu'on puisse regarder un petit peu? Alors l'année dernière, j'ai fait une porte ouverte et où j'ai fait déguster mes bûches. J'ai présenté et dégusté mes bûches. Ah. Et bon, cette année, ça va être compliqué. Je pourrais pas le faire du fait du Covid. C'est sûr. Justement, comment ça se passe, confinement, partie 2? Comment ça se passe pour vous? Bon, les week-ends, c'est pas terrible. Forcément, il n'y a pas d'événements. Les gens se rencontrent pas. Donc, me commandent pas beaucoup, beaucoup de gâteaux. Mais les marchés compensent bien. Compensent okay. bien. Est-ce que vous en profitez pour mettre à profit votre imagination pour élaborer de nouvelles choses, votre créativité? Oui, tout à fait, tout à fait. J'en profite pour créer pas mal de choses. Bah, la pomme au four est née de ça aussi. Tellement bon, la pomme au four. Oui, tout à fait. Quelle pomme on utilise d'ailleurs? Alors moi, j'utilise de la rainette. D'accord, pourquoi? Bah, parce qu'elle se cuit bien au four, elle compote bien en fait. Ah. Tout en se tenant quand même un peu. Oh, ça donne envie de faire une chronique cuisine sur Radio Guibozo. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à mes questions et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Je suis avec Aline Desjardins de Paulette, maraîcher bio situé au Girmont Val d'Ajol. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bon, ça va, franchement, mais ça va. Alors, on est au Hall Les Volontaires où on peut vous retrouver. Qu'est-ce que vous proposez ici? Alors, on produit du légume de saison, donc on propose des légumes qui sont issus de notre exploitation, cultivés en bio. Actuellement, on a du légume d'hiver, donc pommes de terre, carottes, patates douces, navets, de quoi faire une bonne soupe. Et puis, on a encore un petit peu de salade pour ceux qui veulent manger un petit peu de crudité. Alors, comment ça se passe au Girmont Val d'Ajol? Comment vous avez installé votre exploitation, etc.? Depuis combien de temps vous faites ça? Donc, on est en train de terminer notre cinquième saison sur la commune du Girmont. On a créé, donc je suis associée avec Alexis, avec qui j'ai créé l'exploitation. Et puis, ça s'est monté tout doucement pour arriver aujourd'hui à une exploitation qui nous permet de vivre tous les deux de notre passion et du travail que ça représente. Ah, c'est chouette. Vous êtes lancée un jour dans ce domaine-là où vous avez appris à faire tout ça? Donc, Alexis était formé dans le domaine. Il a travaillé 3 ans chez un maraîcher du secteur. Et puis, moi, j'avais commencé des formations. C'est une reconversion parce que j'étais formée au domaine de l'environnement. Et donc, j'ai fait 2 saisons chez des maraîchers qui sont pas loin de chez nous. Et puis, on a fini par se lancer, prendre notre courage à deux mains pour y aller. Et ça demande beaucoup de travail, j'imagine? Ça demande du travail. Après, nous, c'est quelque chose qui nous passionne. Donc, la charge de travail ne paraît pas si énorme quand on le fait avec ça, plaisir. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc c'est vous qui faites pousser? Parce qu'il y a une différence entre maraîcher et primeur. Hein, j'en dis plus. Donc oui, nous on est maraîchers, donc on cultive tous les légumes qu'on propose à la vente. On achète uniquement des semences, tout est semé chez nous. Et au printemps, on propose également, du fait de notre production, des plants potagers qui sont produits par nos soins à partir du mois de janvier. C'est chouette ça. Cultiver bio, ça demande une façon de faire différente. Comment on fait pour cultiver bio? Pour produire bio, c'est pas compliqué. On fait rien de plus que ce qui est naturel, en fait. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'en légumes, une plante, en général, pour pousser, elle va avoir besoin de lumière, d'eau et de trouver à manger en suffisance dans le sol pour se nourrir et pour croître. Donc, en bio, on respecte les cycles naturels des plantes en leur apportant, en les semant à la bonne période pour qu'elles aient suffisamment de lumière. En ce moment, en été notamment, on est un petit peu contraint d'apporter de l'eau en plus de ce qui est naturellement disponible. Et puis, les engrais qui sont utilisés, c'est des engrais bio, donc qui sont faits à partir de fiente animale. Chez nous, on utilise également du sang séché, de la corne broyée, qui permettent de compléter les apports du sol pour que la plante retrouve tout ce dont elle a besoin et exclusivement d'origine naturelle. Et puis, après, chez nous, en l'occurrence, parce qu'on a des terres un petit peu compliquées, qu'on est installé en montagne, tout notre travail se fait à la main. Désherbage, plantation, entretien, désherbage, récolte, tout est fait à la main par nos soins. Voilà. Il y a des méthodes particulières, par exemple le paillage, etc. C'est des choses que vous utilisez, vous ? Alors, on l'utilise, mais à l'échelle d'une exploitation agricole. Donc, le paillage, c'est très bien, notamment avec des matériaux naturels comme de la paille, des feuilles qu'on récupère, etc. Sur une surface comme la nôtre, on a un peu plus de... On a entre 1,5 hectare et 2 hectares de cultivés. On achète des toiles tissées qui sont du paillage plastique réutilisable, mais ça nous permet de pailler, de protéger le sol et d'éviter... d'éviter qu'il y ait trop de pertes et trop de mauvaises herbes aussi qui viennent s'inviter dans la partie. C'est chouette. Vous êtes présente quel jour ici à l'espace Les Volontaires? Donc on est présent le mardi matin uniquement sur Remiremont et on a un point de vente sur Dommartin-Lermiremont où on est ouvert les vendredis soirs de 17h à 19h. Est-ce que vous faites aussi, hors période de confinement, de la vente directe? Est-ce qu'on peut venir chez vous, chercher vos... Donc oui, les gens peuvent se rendre au Giremont le vendredi également. Donc on est ouvert en doublon. Moi je suis à Dommartin et Alexis est au Giremont. Donc la vente se fait également sur l'exploitation le vendredi de 17h à 19h et le lundi après-midi de 14h à 17h. Et puis au printemps, on est ouvert un petit peu plus souvent, notamment les jours fériés, puisqu'avec la vente de plants, ça permet aux gens qui veulent jardiner de venir nous rencontrer directement sur place. Alors, je fais vite, il y a une cliente. Elle a l'habitude. Vous rencontrez souvent des habitués? C'est souvent les mêmes personnes qui viennent vous voir ou il y a quand même de nouvelles têtes? Alors, sur Remiremont, on a fait dernièrement le choix de restreindre notre périmètre de travail. Donc, on a volontairement supprimé des marchés qui étaient au-delà des 20 km autour de l'exploitation pour diminuer notre empreinte écologique. Donc, du coup, forcément, cette année sur Remiremont, j'ai rencontré des nouveaux visages. Mais c'est vrai que le fait qu'on ne travaille qu'en vente directe, ça nous permet d'avoir un bon relationnel avec les personnes qu'on rencontre. Et en général, ça devient des clients fidèles qui nous soutiennent pour certains depuis déjà 5 ans. Ah, c'est chouette. Et cette période de deuxième confinement, est-ce que ça change les choses pour vous ? En termes de travail, non. Après, je pense que sur les marchés, effectivement, il y a forcément moins de monde qui est présent. Mais nous, en termes de travail sur l'exploitation, confinement, pas confinement, il faut qu'on s'occupe des champs. Donc, le travail ne change pas tant que ça, finalement. Il y a des périodes creuses, quand même, au sein de votre exploitation, ou alors toute l'année, vraiment, c'est travaillé? Le mois de décembre va être plus calme, forcément, parce que, il risque de faire froid, d'y avoir de la neige. On est à 650 mètres d'altitude. Donc, donc forcément, le froid nous ralentit. Mais on commence nos semis pour la gamme de plants potagers justement à partir du mois de janvier. Donc on a le mois de décembre, mois de janvier qui sont plus calmes et après on rattaque pour le reste de la saison 2021. Du coup. C'est chouette, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et merci. Puis, plein de bonnes choses pour la suite. C'est gentil, merci. Au revoir. Miam, ça donne tellement envie. Je suis sûre que chez toi, tu es en train de saliver. Ne vide pas tout ton frigo quand même. On parle de victuailles et c'est le moment solidaire comme on les aime ici sur Radio Guémozo. Je rebondis sur les actions de la Banque Alimentaire. Une collecte de la Banque Alimentaire des Vosges s'est tenue les 27 et 28 novembre et on peut toujours y contribuer maintenant en ligne. Une collecte alimentaire indispensable pour faire face à la crise sociale. Alors la demande d'aide alimentaire est en hausse, hein, de 20 20 à 25% sur les territoires. Ce rendez-vous annuel est crucial pour le réseau qui enregistre une baisse de ses stocks de 23% et doit désormais les renflouer pour faire face à une crise sociale qui s'annonce plutôt forte et durable, malheureusement. Une plateforme est donc en ligne depuis le 20 novembre. Ça se passe sur monpaniersolidaire.org. Chaque année, c'est l'équivalent de 35 000 repas qui peuvent être redistribués localement aux plus démunis grâce aux collectes de denrées, soit 5% des ressources annuelles de la Banque alimentaire des Vosges. Surtout, n'hésite pas, ça se passe sur monpaniersolidaire.org. Alors, je te balance un nouveau son que j'ai choisi pour toi ce week-end. Il s'agit de Hocus Pocus, qui est très très bien accompagné sur ce titre recyclé. Moi, je trouve que c'est plutôt d'actu, non ? Yeah. L'évolution, finalement on l'a différé. Car le serpent s'est mordu la queue et l'a digéré. Le texte qui suit n'est pas plus qu'un constat des abus de déjà-vu. Recycler comme la page que je gratte, les phrases que je rappe et les occasions de me taire que je rate. Font le cas la mode il y a 20 ans. 70s, 80s, recyclés à chaque printemps. Recycler comme des déchets nucléaires, mais seulement dans un millier de millénaires. Ton histoire dont on ne tire aucune. Le son était le son d'histoire pleine de lacunes. Recyclé comme ces papiers que tu n'as pas. Tu as 7 ans, ton fils en France, mais tu n'es pas chez toi. Car ici, hospitalité, humanité, fraternité, rime avec recyclé. People, it's time to wake up. It's a new millennium. Give me something brand new. Recyclé. You was ugly in 94, 74, still ugly in 2004. Recyclé. We saying the same thing. Ce morceau qui est gravé sur page, mais sans plaie, devient tube de l'été. Hey! Trop souvent fabriqué, formaté, refrain couplet. Recyclé comme les déchets de la télé poubelle. La célébrité est ce prêt à tuer pour elle. Ton déjeuner devant le journal de Pernod. Tes collectes de Bordeaux, ta collecte de porno. La machine à recycler ne manque pas d'appétit. Et s'occupe des grandes ordures comme des plus petites. C'est au bras long et rarement inquiété. Car ici, immunité rime avec recyclé. I see these videos. Stevie Wonder was doing the same thing in 1964. Recycling. I see these rappers and what they talking about. Rich Pryor stole that before. You stole it from me. Recycling. I know what I'm talking about. I done been around the world and back in the day of the boat. Recycling. That big old boat. We call that Caddy. Send me a Broham. Come on. Recycling. Ton jean usé à l'état neuf. La série de 20h20 que regarde ta meuf. Se maintient reconvertie en actrice. Reconvertie en chanteuse. Reconvertie en junkie. Recyclé comme des clips de gangster rap. Et Johnny en guest star à la Starac. Ta nouvelle chanson française qui roule les airs. Ton piano à bretelles, ta baguette et ton camembert. Recyclé comme ce qu'il reste des tours jumelles. Les bois points et l'enquête sur ces jours funestes. Ces images qu'on croirait truquées. Car ici réalité rime à faire. Recyclé. We saying the same thing over and over and over again. Give me the new stuff. The revolution would not be televised unless we see on a brand new platform screen. Sick of saying the same old thing. Same rappers, same singers. It's gonna miss time for a change. Change in your pocket, real change. J'adore ce titre. Tu es toujours sur Radio Guémozo, auditeur, et on part ensemble maintenant. Eh bien, voir Marianne et les fromages de son papa et ses champignons produits de façon très surprenante. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. Et Estelle, permanente au Hall avec la poissonnerie La Porte Nico, située à la base à Saint-Étienne-les-Remiremont. Allez, viens, on va les rencontrer. Je suis avec Marianne à l'espace Les Volontaires de Remiremont qui propose plein de produits très appétissants. J'avoue que c'est tôt, mais j'ai déjà envie de manger. Bonjour Marianne, comment ça va ? Très Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici dans votre stand? Alors, j'ai amené les fromages que fait mon père à Saint-Étienne, près du Cora. C'est la ferme Les Bruyères. Ah. C'est les fromages de Frédéric Louis, ouais, avec le Minster et la Tomme. C'est lui qui les fabrique? Oui. Et mon oncle Affine, à Dommartin. Oh, génial. Une histoire de famille. Et vous vendez. Voilà. C'est chouette. Depuis combien de temps ils font ça? Trois générations, quelque chose. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Ok. Et mon père s'est installé en 91. Ouais. Il est passé en bio en 2000. D'accord. Et puis voilà, donc il y a ces fromages-là. Et puis avec mon compagnon, on fait des champignons au pont de Chenaux. À Saint-Étienne aussi. Donc okay, je groupe pour venir sur le marché. Ouais, c'est super. Donc ça, c'est pareil, c'est vous qui les produisez? Oui. Ok. Pleurotes, principalement. Shiitake, là, on a des foliottes aujourd'hui, mais c'est la première fois que j'en amène. Et on fait ça depuis l'année dernière, depuis début 2019. Ok, super. Comment ça se passe pour produire ce genre de produits, justement? Alors là, on a réaménagé une partie des étables d'une ancienne ferme. Et on produit ces champignons sur de la sciure qui est ensemencée. Et voilà, on est en bio. Pour le moment, on fait que la dernière étape. On fait fructifier. On achète la sciure qui est ensemencée. Et puis à terme, on aimerait pouvoir faire tout le cycle. Mais là, ça demande un peu plus d'équipement et ça viendra petit à petit. Donc vous êtes amoureux de la terre dans la famille, on peut dire comme ça. Je reviens un petit peu au fromage. Oui. Le lait, il est produit aussi dans la famille. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc mon père a une quarantaine de vaches laitières. D'accord. Et donc il fait la première transformation et mon oncle fait l'affinage ensuite. Est-ce que vous avez déjà participé à tout ça, j'imagine? Oui. Et j'ai grandi là-dedans. Puis mon petit frère est parti pour reprendre. En tout cas, il travaille avec mon père, en tout cas. C'est super. Si on veut vous retrouver ici, au Halles les Volontaires, ça se passe quand? Le mardi matin. Le mardi matin. On est là tous les mardis matins. Ok. Est-ce que vous faites de la vente directe? Alors, il y a une petite boutique chez mon père aux Bruyères, à la ferme. Oui. Où vous pouvez retrouver tous les fromages. Et puis d'autres produits aussi locaux, avec de la confiture, de la viande aussi un petit peu qui vient de la ferme. Voilà. Super. Comment ça se passe, ce deuxième confinement pour vous? Est-ce que ça a changé les choses? Les événements qui ont lieu les week-ends ont été annulés. Mais sinon, les marchés continuent à fonctionner. Donc, c'est un peu moins... Ça chamboule un peu moins les choses qu'au premier confinement. Ouais. Et ça va. Mais je vois qu'il y a quand même pas mal de monde là. Est-ce que c'est habituel? Oui. Ouais. Oui, c'est vrai que les gens arrivent un peu plus tard parce qu'il fait froid en hiver, mais il y a quand même un peu de monde, donc c'est encourageant. Merci beaucoup et plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Je suis avec Estelle de la poissonnerie La Porte Nico, présente au Halles les Volontaires, les rues Miremont. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous-même? Ça va bien, merci. Alors, on retrouve au Halles les Volontaires votre stand avec plein de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Eh ben, on est dans la saison des huîtres, donc pour les fêtes de fin d'année, on a une belle variété, hein, entre la cancale, la marraine, la normande, la bretonne, un large choix aussi de crustacés, hein, crevettes, pinces de tourteau, pinces d'araignée. On va avoir les homards et les langoustes qui vont bientôt arriver. Oui. Après, on a une gamme de filets assez large, avec ou sans arête, pareil en poisson. Divers poissons qui viennent direct de criée. Hein. On travaille beaucoup avec les criées de Noirmoutier, de Sable d'Olonne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui. On travaille avec les marieurs en direct. D'accord. Donc on travaille avec tous les ports de pêche. Oui. Hein, aussi bien la Bretagne, l'Octudi, la Manche, la Bretagne, Roscoff, voilà. Eh bien. Et puis, on a tout le rayon traiteur parce que nous, on n'a pratiquement pas de perte parce que tout le poisson qu'on ne trouve plus forcément beau à la vente, mais qui est toujours bon à manger, il part en traiteur. D'accord. Donc, on transforme beaucoup de choses. Et qui s'occupe de transformer tous ces produits? Donc, on a Angéline, Damien et Camille en cuisine qui nous font pas mal de petits plats. Alors, on a les plats classiques comme... la brandade de morue, gratin de fruits de mer, lasagne de saumon, paella, choucroute, coquille Saint-Jacques, coquille de poisson. Et puis, on a des plats un peu plus élaborés, comme les tourteaux grenouilles, crumble de saumon Saint-Jacques. Sur les fins de semaine, on fait souvent les makis, les nigéris. C'est un beau succès, ça. On a aussi tout ce qui est à crâne morue. Voilà, on transforme pas mal de choses quand même. Bien, super. Voilà. Ça donne envie, en tout cas. Merci. Comment ça se passe pendant ce deuxième confinement là pour vous? Eh ben, pas trop mal. On a de plus en plus de gens qui sont en télétravail, donc qui viennent faut faire leurs courses ou sur le centre-ville. Ouais. Et c'est une autre clientèle et j'espère fidéliser ces clientèles, cette clientèle là plus sur les week-ends. C'est sûr. Alors en plus là c'est la bonne période parce qu'on approche Noël là. Ouais. Hein. Mais ouais. Donc, là on a vraiment un large choix. Hein. Ouais. Ouais. Là les étals sont bien remplis à cette saison. Ouais. Super. Quand est-ce qu'on vous retrouve ici au Hall des Volontaires de Bruxelles? Nous, on est là du mardi au samedi, tous les matins et vendredi journée jusqu'à 18h. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes les deux. Ça fait tellement du bien d'entendre tout ça. Vous avez vu la bonne humeur qui se dégage quand même de ces producteurs commerçants. Franchement, ça fait vraiment plaisir et je vous conseille vivement d'aller au Hall les volontaires parce que le volontaire, pardon, parce que j'arrête pas de me tromper, c'est les Hall le volontaire. Excusez-moi, parce que voilà, tu trouves vraiment tout ce dont tu as besoin, que ce soit pour grignoter un bout. D'ailleurs, il était prévu dans ces halles qu'un espace mange debout puisse se faire. Bon, bien entendu, là, pour l'instant, je dirais pas ce que je pense, mais en tout cas, c'est en attente, on va dire comme ça. Mais vraiment, voilà, que ce soit pour Noël, pour les fêtes, pour un cadeau, pour se faire plaisir, comme ça, momentanément, va au Hall le volontaire. Voilà. Bon, je te passe maintenant un titre qui, j'espère, va te faire du bien aussi. C'est le moment Funky Groovy sur Radio Gémozo avec Mayboy Eye Africa de Metz. Je te dis à tout de suite, auditeur. Ça faisait tellement has-been, mais c'est pas grave. J'espère que tu te déhanches, voilà, que tu profites, que tu fais monter la good vibes en toi. Tu es sur Radio Gémozo et tu fais très très bien. Allez, on reste dans le thème de cette émission avec une info de la commune de la Bresse. Le marché dominical de la Bresse se tient nouveau depuis hier. Hein, il retrouve des couleurs, ses commerçants et surtout son lieu habituel. Alors, petit rappel, le marché dominical a lieu chaque dimanche de 8h à 13h le long du quai des Iranais, et sur la place du Champtel. On y retrouve les produits habituels, vêtements, alimentation, bijoux, maroquinerie et quelques produits pour les fêtes de fin d'année. Cesse de te moquer, auditeur, qui entend à chaque fois ma langue fourchée. On part maintenant à la rencontre de Gilbert, ses fruits et légumes, et Céline et ses yaourts, entre autres. Allez, c'est parti. Je suis avec Gilbert, présent au Allée Volontaire de Remiremont, qui vend des fruits et des légumes, hein, parce que je suis sur son stand et c'est bien ce que je vois. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors, des produits en partie bio, ouais. Du raisonné ou de la production de la culture naturelle. Ah, c'est génial ça, ouais. C'est quoi du raisonné? Raisonné, c'est quand on traite des fruits et légumes avec des produits non agressifs, en fait. Ah, d'accord, ok, super. Soit du soufre, du cuivre, des produits light, quoi. Light, d'accord. Voilà. Naturel, quoi, on peut dire, en grande partie. Naturel, pour moi, c'est du Déméter. Déméter, ça veut dire arracher de la terre directement, ouais. Sans rien mettre. Mais en général, ce genre de légumes et de fruits ne sont pas beaux. Et les gens veulent toujours du beau. Ah mince, toujours du beau. Et en bio, c'est pareil. Des fois, on a du mal. Quand j'ai une variété de Déméter qui n'est pas trop beau, mais c'est bon en fait, les gens ont du mal à accepter quand même la beauté du fruit. Quoi. Enfin, on dit que la vie fait pas le moine. Voilà. C'est pareil pour les fruits et les légumes. Comme la publicité dit déjà, il faut donner la chance aux fruits moches. Oui. C'est vrai. Vous voyez, là, j'ai par exemple des poires, ouais, qui sont un peu abîmées. Donc, je les mets en déclassé, ouais, soit pour de la compote ou autre. Voilà. Je propose différentes choses. Et là, notamment, bientôt, on va commencer les endives de Tiefos début décembre. Ah, c'est génial, ça. Donc, c'est Michael Coucheron, le producteur. Et oui, que l'on embrasse, que l'on, voilà, connaît bien. Voilà. Et donc, ici, à ce stand, voilà, il y aura ces endives. Là. Ah, c'est génial. Ouais. Alors, ouais, quand est-ce qu'on vous retrouve ici au Halle des Volontaires? Halle des Volontaires, donc c'est le mardi matin et le vendredi matin. Et après, le reste, c'est de la livraison à domicile sur Épinal. D'accord. Je l'ai fait, la livraison à domicile, à Remiremont, pendant le confinement, de mars à avril, mai. Ouais. Enfin, voilà. Voilà. Ouais. Comment ça se passe, ce deuxième confinement, pour votre activité, pour vous? Ben, nous, on est toujours sur le front, on vend toujours, on propose toujours nos fruits et légumes, les gens peuvent sortir, de toute façon. Une petite parenthèse, beaucoup confondent leur heure de ressortie avec l'heure d'achat, donc ça n'a rien à voir. Hein. Oui. L'heure de sortie, c'est à part, l'heure d'achat, ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent. Oui, c'est vrai. Voilà. Ok, donc vous travaillez avec des gens qui vendent des produits locaux, alors? Alors en bio, qui produisent, je veux dire. Oui, en saison, comme les tomates, les courgettes, les poivrons ou autres, je travaille avec quelqu'un en local. Oui. Après, en hors-saison, je commence à forcer le bio. Voilà, donc je travaille, oui, avec des gens locaux aussi. Et en local, soit régional, France ou autre. Voilà. D'accord. Eh ben, c'est super, tout ça. Ah, il y a même des noix, là. Oui, ça, c'est de la noix locale aussi. C'est chouette. Qui se termine. Eh oui, faut ouais. en profiter, là. Ouais. Faut en profiter. Que je vais commencer aussi les délices de Chris, les confitures. Ah, génial. Donc, elle ne fait pas les marchés, en fait. Non. D'accord. Donc, oui, je commencerai. Je rajouterai un petit étalage pour les confitures des délices de Chris. Ouais. Qui sont produits où, alors? Qui sont produits à Mirmont, maintenant, ah, oui. puisque son magasin... elle n'a plus son magasin à Pouxeux. Mais moi, je me suis proposé de diffuser ses produits aussi au marché. Voilà. C'est bien, il y a une belle solidarité entre vous qui se crée entre tous ces producteurs commerçants locaux. Là. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, ben, c'est moi questions. Qui vous remercie. Super. Je suis avec Céline de la ferme de Crémanvillers que vous retrouverez à Vanier, mais aussi à l'espace Les Volontaires à Remiremont, où je la rencontre aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Malgré ce froid au doigt. Oui, on a très très froid ici, ouais. Alors, qu'est-ce que vous proposez ici? Alors, nous, on propose tout ce qui est produits laitiers, donc yaourt brassé, crème dessert, fromage blanc, mais aussi des yaourts à boire et du lait cru. Ah, alors, est-ce que c'est vous qui produisez tout ça? Oui, oui, oui. C'est donc tout est issu de notre exploitation, donc le GEC de Crémanvillers qui se situe à Vanier. Mmh. Donc moi, je récupère le lait de mon mari et je le transforme. Voilà, et je vends. Depuis quand vous êtes installée? Alors moi, je suis installée depuis 3 ans et mon mari depuis 10 ans. Ah oui, d'accord. Alors comment ça se passe un petit peu sur cette exploitation? Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors nous sommes 3 associés sur l'exploitation. Donc il y a Rémi, Xavier et moi. Donc Rémi, lui, va pas tarder à partir en retraite. Ah. Mais nous, voilà, on va perdurer tout ça. Donc mon mari, lui, s'occupe de la viande. Donc on fait des caissettes de viande Limousine, ainsi que des veaux de lait, de la volaille. Moi, je fais tout ce qui est partie transfo. Et notre troisième associé, lui, fait tout ce qui est traite et soins aux animaux. Super. Alors, comment ça se passe pour transformer du lait en yaourt? Ah, alors ça, c'est tout un procédé. Donc, moi, je fais chauffer mon lait dans un gros pesto. Donc, je fais 50 litres d'un coup. Donc, ce qui représente à peu près 350 yaourts. Ah oui. Voilà. Donc, je le monte en température, je le redescends, je mets mes ferments, je mets en étuve. Et après, je transforme selon les parfums D'accord. que j'ai besoin. Voilà. Ça prend combien de temps pour faire tout ça? 2 jours. 2 jours. Voilà. Ok. Pour faire 350 yaourts, il faut 2 jours. Alors, il y a plusieurs saveurs. On trouve quoi, par exemple? Alors, nous, on a 10 saveurs. On a citron, poire, mirabelle, cerise, fruits des bois, mandarine, myrtille, fraise, framboise et figue. Il y en a pour tous les goûts, quoi. C'est ça. Génial. Exactement. Alors, on vous retrouve quand ici à l'espace Les Volontaires? Alors, on me trouve le mardi matin et le samedi matin. D'accord. Et j'ai un magasin sur l'exploitation qui est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi, après-midi et le samedi matin. Super. Voilà. Comment ça se passe dans cette nouvelle période de confinement? Alors nous, ça se passe bien parce que les gens reviennent aux produits locaux, reviennent aux produits de tradition. Les gens n'hésitent pas à se déplacer et venir nous voir. Et c'est formidable parce qu'ils reviennent au goût du vrai. Ouais, voilà. Ils reviennent aux sources. Oui, ils reviennent aux sources. Est-ce qu'il y a du monde quand même? Oui, oui, oui, on a pas mal de monde. C'est vrai que moi, je marche très, très bien, que ce soit sur le marché ou chez moi. On ne fait pas spécialement de pub, mais voilà, le bouche à oreille marche très, très bien. Et... C'est une belle solidarité ici, je trouve, en plus, entre les producteurs. Ah, oui, ça, oui, ça oui, fait oui. vraiment plaisir. Ah, ouais, ouais. Ça réchauffe les cœurs. Oui, oui, on est très, très solidaires les uns aux autres. Un client qui partage notre... Hein, c'est vrai, on est pas mal, moi. Je vous laisse travailler, du coup, merci beaucoup. Bonne petite équipe. Ouais. Merci à merci. Vous d'avoir pris le temps de venir nous voir. Merci beaucoup merci. À vous et plein de bonnes choses. Merci beaucoup à eux. Alors en plus, ils sont tellement modestes parce que beaucoup d'entre eux travaillent directement avec les restaurateurs. Hein. Ils l'ont pas dit. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Mais ils travaillent donc avec les restaurateurs et les restaurateurs, eh bien, sont fermés. Donc ces commerçants, producteurs ont besoin de vous, auditeurs, pour perdurer leur activité, continuer plus sereinement, en tout cas le mieux possible. Voilà, on les encourage vivement et j'espère que ça te donne envie d'aller à leur rencontre et de consommer local, surtout en ce moment, hein, c'est bientôt les fêtes et là tu as vraiment tout ce qu'il faut sous la main, donc voilà, je t'encourage vivement, tu l'auras bien compris. Une info importante maintenant communiquée par le département, en raison des conditions météorologiques annoncées et en concertation avec le département du Haut-Rhin, eh bien la route des crêtes et ses routes d'accès seront fermées à compter de aujourd'hui à 16h30. Donc côté Vosgien seront fermées la RD 61 du col de la Schlourte au col du Calvaire, donc vers l'Alsace, la RD 430 de la ferme de Breitzusen, ça c'était pas sympa, au Rheinkopf, et la RD 34A, surnommée la route des Américains, depuis le col du Bramont jusqu'à la route des Crêtes. Je sais pas, demain que je vais faire la météo sur TF, hein, moi je te le dis. Je te passe un son coup de cœur, encore une fois, avec Acting Crazy. Ce que j'en ai aperçu, le clip a l'air complètement délirant. Voilà, mais c'est vraiment un son que j'ai vraiment eu envie de partager avec toi. Bon kiff à toi, auditeur. Yeah. Opportunity be knocking, little motherfucker. Opportunity be knocking, you gotta let a motherfucker in. I kiss my mother on the cheek, tell her that I love her. You ain't gotta worry about a thing, I got it covered. Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Ma, you know I'm still your little baby. All my life I was a fuck up. Now I pull the truck up. Same bitch stuck up. Now she wanna suck us. See me hanging out the window screaming, what, what? No more tough luck. A different glove is what I'm cut from. Baby, oh my lord. The cops chasing Bronson in the all white Ford. Shit, I'm on that all night tour. Bitch, I'm alright, but I'm off that roar. I'm in the road, dancing south on the top floor. You would swear I'm Puerto Rican, but I'm not, Lord. Hot hoes, every city that we go singing. Head side, kill them what they know. All I do is eat oysters and speak six languages and three voices. It's Adriatic summers on a sailboat. Don't even try to call, I'm not available for nothing. Unless it's stupid paper. Hop out the Studebaker with Anita Baker. Opportunity be knocking. You gotta let a motherfucker in. I kiss my mother on the cheek, tell her that I love her. You ain't gotta worry about a thing, I got it covered. Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Ma, you know I'm still your little baby. I feel so alive, I think I shit myself. I should kiss myself. I'm staring at the man inside the mirror. The reflection shows a wolf, though. Goddamn, I'm still cute, ho. Yeah. All my women play the flute. Saw me play some melon and prosciutto. Left-handed make the fender cry. Count money with a reverent smile, a devil's eye. Half Cherokee and Gemini. Motherfuckers are dump Pete from Jump Street. And turn your chest plate to lunch meat. I'm in a Humvee, looking like a young me. Now these motherfuckers all wanna be chubby. I switched the season, now the hair's curl. Tan skin, I need a bad girl. Cause James Brown said it's a man's world. In a Trans Am twirl. The burner handle made of pearl. That's just daddy's little girl. Opportunity be opportunity be knocking. You gotta let a motherfucker in. I kiss my mother on the cheek. Tell her that I love her. You ain't gotta worry about a thing, I got it covered. Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Ma, you know I'm still your little baby. Opportunity be knocking, knocking. Let that motherfucker in. Let that bitch in, son. Opportunity be knocking. Let them motherfucker in. Let them motherfucker in. Please. Sweet. Mr. Baklava. Ain't trying to be broke. J'espère que tu as kiffé ce son, auditeur. Moi, perso, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce son de folie. Alors, j'ai un petit souci technique là. Je devais te balancer les prochaines. Ah bah voilà, j'ai retrouvé. Mon Dieu, c'est les joies du direct, ça. Ça met un peps dans le studio, tu peux pas te rendre compte. Je suis en train de courir dans tous les sens. Il est 13h03, je suis toujours en direct avec toi dans Micro Ouvert, émission spécialement consacrée aux producteurs et commerçants locaux que nous retrouvons au Hall Le Volontaire. Voilà, on va bientôt entendre Bruno et Vincent. Voilà, tu vas en savoir très bientôt plus. C'est bientôt les fêtes, j'ai pas besoin de te le dire, mais par contre j'insiste sur le point local. Alors j'avais encore une petite info, hein, pour les fêtes de fin d'année, il est possible de se tourner vers les producteurs, artisans et commerçants locaux, bien entendu, tu l'as compris tout au long de cette émission. Et bien sur le groupe Facebook Noël Solidaire Vosges, tu peux trouver des créations vosgiennes, bougies, poupées, jouets en bois, livres jeunesse, accessoires, produits de beauté. Sur le secteur de Remiremont et alentour, l'opération J'aime mes commerçants peut permettre d'offrir des présents locaux. Et bien entendu, n'hésite pas. On termine notre périple au Hall Le Volontaire avec cette fois, puisque j'ai retrouvé le son, Bruno Vincent du Verger des Avolées et ses produits très originaux à base de bluets. Alors vraiment, j'ai adoré son stand et c'est très très original ce qu'il propose. Et la Forêt des Délices avec tous ses produits, ses légumes, ses fruits. Le stand était de toutes les couleurs. D'ailleurs, tu peux retrouver la photo de tous les producteurs interviewés sur notre page Facebook. Voilà, ils se sont laissés photographier très gentiment. Allez, on écoute et on part à la rencontre de ces deux-là et je te retrouve juste après. Je suis avec Bruno Vincent des Vergers des Avolets. Comment ça va ? Ça va, ça va. Fraîchement aujourd'hui, mais ça va. C'est vrai. Alors, on est ici à l'espace Le Volontaire de Remiremont. On peut retrouver vos produits. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors moi, au départ, donc je suis producteur de bluets des Vosges, donc les myrtilles, qui poussent sous forme d'arbustes, donc à Rue-sur-Moselle. Et donc, tout l'été, on a les fruits frais. Et le reste de l'année, donc je fais de la transformation avec des produits qu'on va dire classiques à base de fruits, des confitures, des jus. Et après, je développe toute une gamme de liqueurs avec les autres fruits que j'ai sur les vergers. D'accord. Donc j'ai aussi un peu de cerise, de la framboise, de la pomme. On a même aussi du sapin. Donc je fais de la liqueur de sapin, par exemple. Et actuellement, je travaille depuis un an et demi avec aussi la brasserie La Fouillotte, qui me travaille une gamme de bières à base de fruits pour montrer ce qu'on sait faire localement, puisque la brasserie est à Épinal. Donc on a une bière au bluet, une bière à la framboise, une bière à la cerise. Donc c'est des bières qui sont sans sucre ajouté, donc assez légères à boire. Et tout dernièrement, je travaille également avec la boucherie d'Aval du Val d'Ajol, qui m'a élaboré un saucisson à base de mes bluets et une terrine de campagne au bluet des Vosges. Donc voilà, j'essaye de m'entourer de, quand je peux pas faire les produits, de gens qui sont déjà locaux et qui savent travailler le bluet et qui aiment travailler le bluet. Super. Est-ce que ça demande une technique particulière pour travailler le bluet, justement ? Il faut quand même beaucoup de dextérité puisque c'est un produit nous qu'on garantit entièrement à la main. Donc toute la cueillette se fait à la main, l'entretien se fait à la main pour garantir la meilleure qualité de fruit possible, pour que le fruit qui, s'il est cueilli à la main et travaillé à la main, se garde beaucoup plus longtemps sur les étals. Donc c'est un fruit de bouche principalement quand même au départ. Et s'il est bien travaillé, il se tient très longtemps dans les magasins, donc on a très peu de pertes. Depuis combien de temps vous faites tout ça ? Alors moi j'ai repris l'entreprise familiale de mon père en 2015 et ça fait depuis 1987 qu'on a des bluets. Ah oui. Mais avant en fait mon père avait une ferme laitière en plus de ça avec son frère, donc on ne travaillait que le fruit frais. C'est moi qui ai créé toute la partie transformation depuis 2016. D'accord, super. Si on veut vous retrouver ici au Halles les Volontaires, c'est quand ? Alors moi je suis là tous les mardis matins, donc jour du marché, et également le samedi matin. Ok, et est-ce que vous faites de la vente directe ? Je fais de la vente directe, principalement en saison, puisque j'ai le fruit en plus. Oui. Après, je m'organise en ce moment, donc je suis sur la plateforme locapi.fr. Et donc, soit je peux faire des livraisons sur le marché, soit je livre directement à domicile dans le secteur. C'est quoi votre produit préféré ? Produit préféré, vous, c'est... En tant que consommateur et pas en tant que vendeur. En tant que consommateur, les liqueurs. J'adore les liqueurs. C'est le travail que j'essaye de rajeunir l'image des liqueurs. Toujours en restant quand même sur des recettes de grand-mère, entre guillemets, mais en travaillant quelque chose de sympa. Là, dernièrement, la toute dernière du printemps, c'est la liqueur de sapin à la Mirabelle. Wow. Où là, je fais macérer des bourgeons de sapin dans de l'eau de vie de Mirabelle. Et là, on a un produit super sympa, typiquement vosgien. Et on est dans la forêt et en même temps dans la plaine avec les Mirabelles. C'est chouette, vive les Vosges. En tout cas, les contenants sont superbes. Hein. Merci beaucoup. Ça donne envie. Et c'est un beau cadeau de Noël, ça. C'est ça. Donc, j'ai plein d'idées cadeaux. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à penser, malgré le contexte un peu spécial, à vos cadeaux de Noël. Et oui, c'est l'occasion de soutenir les producteurs locaux. Et ça se passe ici. Et ça fait bien plaisir. On a des produits de qualité, des gens sympas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis avec David de la Forêt des Délices, voilà. Hein, c'est ça ? Voilà, tout à fait, David Chevel, donc de la Forêt des Délices. Oui, alors qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Alors nous, on est spécialisés donc dans le fruits et légumes. Génial. Voilà, on est basé sur Épinal. D'accord. On fait déjà le marché d'Épinal et le Grand Est. Fait Metz, on fait Belfort. Ok. Donc on a implanté sur Remiremont depuis un mois. Oui. Tout neuf. Ah oui. Voilà, c'est le maire qui souhaitait absolument qu'on vienne. Donc ça démarre bien. Ouais. On vend essentiellement du bio. Super. Voilà, et quand c'est la saison, on est fixé sur des produits locaux. Ah, génial. Donc le printemps, on entame avec la fraise. Ouais. Hein, et l'asperge. Super. Voilà, et après ainsi de suite, hein, bien sûr, cerises et fruits de saison, quoi. Ok, il y a beaucoup de choses ici, en tout cas, ça donne envie, ça. Ça fait plaisir aux yeux. On on fait légumes aussi, hein, essentiellement. Oui. Et à la base, on est revendeur champignons aussi. Ah, d'accord, ok. Donc, on les collecte avec des dépôts. Oui. Qui sont basés dans les Vosges. Et on les revend sur nos étals et on les revend, bien sûr, après à des restaurateurs. Oui. Ou alors à des autres grossistes. Ok. Voilà. Donc, si on a des champignons, on peut venir vous les déposer ? C'est vrai ? Non, mais il n'y a aucun souci. Ouais. On est preneurs, quoi. Tout est bon à prendre, sauf que là, en ce moment, c'est un peu difficile, oui. Parce que les forêts sont interdites, surtout sur le secteur de Remiremont. Oui. Y a quelques contrées là où c'est interdit d'y aller, et puis on ne peut pas y aller, il y a un kilomètre. Donc, c'est vrai. Il y en a quand même qui y vont. Ils ont bien raison. Depuis quand vous êtes installé ? Depuis quand vous faites début ça ? Début octobre. D'accord. Ici, hein, sur Remiremont. Ben voilà, on peut vous retrouver où ? Ici, au marché couvert. Au marché couvert, de 8h à 13h, le mardi, le mercredi, le jeudi, le samedi, et oui. Le vendredi, c'est toute la journée. Ah bah dis donc, ça travaille quand même. Jusqu'à 18h. Super. Oh, ça va encore. Ça fait pas beaucoup d'heures, ça va. Il y a pire. Ouais, ça se passe comment ce deuxième confinement pour vous ? Est-ce que c'est compliqué pour l'activité ? Sincèrement, non, ça se passe bien. Les gens reviennent sur les marchés justement pour aller chercher du produit frais, ouais. De bons produits de qualité. Voilà, ils recherchent ça, quoi. Ouais. De voir les clients qui viennent directement, et puis, ça fait plaisir. Un peu, ça fait sortir, ils discutent un peu. L'aspect convivial. Et puis surtout, là où il y a le moins de masques, quoi, aussi. Et les gens, ils viennent, là, ils sont sûrs. Ah oui. C'est plus aéré, comparé à, voilà, nos amis, la grande distribution, quoi, où tout est un peu laissé, à tout va, quoi. Alors, vous êtes tout nouveau ici à Remiremont. Vous avez rencontré, d'autres producteurs? ici? Eh ben non. Non, nous ils sont basés. On bosse avec à Grignoncourt. Oui. Et lui, il est spécialisé dans la pomme, la poire, etc. D'accord. Cerise. Donc lui, il est sur Montureux là-bas. Oui. On a aussi sur Fremy-Fontaine, un producteur bio, mais lui, c'est essentiellement du légume. D'accord. Donc en ce moment, il est fermé. Il a gardé juste pour ses clients à lui qui viennent. Ouais. Et puis on travaille avec Monsieur Cornu aussi qui est sur Saint-Laurent. D'accord, super. Voilà, donc les producteurs, non, ils viennent pas jusqu'à Remiremont pour nous. Quoi. Ouais, ouais. Mais ici, vous avez rencontré des gens, c'est sympa comme ambiance. C'est sympa, ouais. Une bonne ambiance, on est tout de suite bien intégré avec eux. Bon, après, mes confrères poissonniers, je les connais déjà, sont déjà sur Épinal. Bah, oui. Donc il n'y a pas eu de souci avec Estelle. Oui. Voilà. Oui, vous êtes accompagné en plus. Il y a un autre producteur aussi que on a sur notre stand, c'est un producteur de jus. Ouais. Qui est, oui. Spécialisé en petits fruits quand c'est la saison. Ouais. Et il transforme ses fruits donc en génial. Jus. Et donc il est de Uriménil lui. Ah, super. Voilà, tout est en bio là. C'est toute une gamme en bio donc ça a l'air de plaire, j'en vends un peu. Ça démarre tout doucement. Et ça donne envie. Les gens sachent voilà. C'est bien pour Noël un petit jus de fruits comme ça là. Oui, hein ouais. Ça fait plaisir. Parfum là, il y a fleurs de sureau, mirabelle, myrtille sauvage, camerise aussi. Ouais. La camerise, je sais pas si vous connaissez, non. C'est entre le bleuet et la myrtille sauvage. Ah. Donc c'est un petit fruit allongé qui ressemble au bleuet mais plus allongé. Super. Avec un bon parfum et qui est assez doux. Ouais. Ah, voilà. Voilà. Autrement, on va aussi s'orienter. On va faire une petite cave à vin. Génial. Tout en bio. Ah super. Avec qui donc, alors c'est, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Ouais. Ça, c'est pas moi qui. Mais bon. Ça sera fait. Ça va être fait. Super. Les cases à vin là et ça va être fait. Cool. Voilà. Eh ben voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes quelques questions. C'était parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, en effet. Alors, tu l'as bien compris, c'était mardi dernier. Maintenant, tu as le droit de te déplacer à 20 km de chez toi pendant 3 heures. Donc, tu peux amener tes champignons, pourquoi pas. Voilà. Je remercie encore tous ces gens qui m'ont chaleureusement accueilli. C'est déjà la fin de cette émission. Bon, c'est vrai, j'ai bien débordé, mais ça m'a fait bien plaisir d'être avec toi. C'est le moment, avant de se quitter, le moment homecoming, le moment chill avec Blackwater de Timber. À tout de suite. parti là, c'est le moment de la digestion sur Radio Guémozo. Waouh, ce son il m'a posé là, waouh. J'espère que voilà, tu te sens bien toi aussi. C'est déjà la fin de cette émission. Bon, c'est vrai que j'en ai bien profité aujourd'hui, mais avant de se quitter pour aujourd'hui, j'avais très envie de te donner une info qui sert pas grand-chose, mais qui est fun à savoir. C'est la quatrième et dernière éclipse lunaire de cette année aujourd'hui. Et après celle survenue en janvier, juin et juillet, c'est une nouvelle éclipse de lune pénombrale, c'est-à-dire lorsque la lune traverse la pénombre de la Terre, qui aura lieu ce soir. Elle a commencé apparemment dès 8h32, heure de Paris, et s'achèvera 4 heures plus tard. Donc je ne sais pas trop pourquoi ce soir. Pourtant, c'est du même article, hein, tout ça. Les amateurs d'astronomie de l'Hexagone vont cependant être déçus. Contrairement à la première éclipse de l'année, celle-ci ne pourra pas être observée depuis le ciel français. Ça se passe plutôt en Espagne, je crois, comme le rapporte Numérama. Et l'éclipse sera visible uniquement depuis l'Océanie ou l'océan Pacifique. Non, bah du coup, peut-être pas en Espagne alors. Que les aficionados se consolent, une éclipse par la pénombre est à peine de toute façon perceptible. Et il n'est donc pas en réalité possible de la distinguer. C'est pour ça que je te disais que c'était un petit peu l'info qui servait à rien, mais qui était quand même sympa de savoir. Merci beaucoup, auditeurs, d'avoir été là aujourd'hui pour ce périple au Halle volontaire avec tous nos producteurs. Tu me retrouves vendredi en direct à midi, toujours sur le 107 et depuis les applis Radio Line ou Orange Radio avec Alban qui a un projet plutôt sympa. Il met en place un projet Ulule pour faire un album avec 8 chanteuses de Lorraine, pour la plupart vosgiennes d'ailleurs. Et l'argent collecté financera l'enregistrement de l'album et les bénéfices sur la vente de l'album seront entièrement reversés aux associations du Resto du Cœur et la fondation Abbé Pierre. Voilà, on en parlera dans l'émission de vendredi. Cette émission d'aujourd'hui, elle sera podcastée sur nos pages Radio Guémozo et notre profil Guémozo sur Facebook. J'ai été super ravie de passer ce moment avec toi, je me suis bien éclatée, j'espère que toi aussi, que t'as fait de belles découvertes. Je t'embrasse bien fort, auditeur, et surtout prends bien soin de toi et des autres. Allez, kiss !